Image rare de deux lapins crétins se transmettant l'art du jeu de rôle. Nous allons observer d'abord le mentor et l'apprenti. Eh ben, on n'est pas sorti du sable. Salut à toi, personne non-binaire. Monsieur, madame, ou qui que ce soit dans le spectre infini des xénogènes, bienvenue sur les vidéos Outsider. Aujourd'hui, on va faire donc une petite vidéo sur la transmission orale du jeu de rôle. Donc, concrètement, pourquoi je te parle du sujet? Eh bien, ça parle en fait du constat que certaines personnes veulent se former au jeu de rôle, que ce soit être joueuse, mais bon, souvent on pense aussi à être MJ, tu vois, ou facilitatrice, mais elles n'ont pas la volonté ou la capacité de lire beaucoup, donc elles sont intimidées par les manuels de jeu de rôle. On peut aussi estimer que les manuels de jeu seraient mal écrits, ou en tout cas que l'écrit ne serait pas finalement un support de transmission, d'apprentissage vraiment efficace, et qu'il vaudrait mieux des sortes de cours magistraux. Eh bien voilà, on va voir un petit peu comment ça se met en place, mais avant, je dois absolument te parler du sponsor de cette vidéo, il s'agit de la boîte à outils du meneur de jeu. Donc je vais te donner 10 conseils pour utiliser cet ouvrage, je te promets que le 7e va vraiment t'étonner. Alors, numéro 1, caler une armoire. Voilà, c'est vraiment... en fait, si tu as une armoire auquel il manque un pied, bah voilà, idéal. Numéro 2, isoler les murs. C'est-à-dire, tu pars tes murs de boîte à outils du meneur de jeu et voilà, c'est bon, tu peux dire adieu aux passoires thermiques. Numéro 3, appareil de musculation. Allez, souple et solide à la fois. Voilà, c'est vraiment génial pour travailler les biceps, le quadriceps, les quinticeps. Également, ça peut servir d'arme contondante. Un agresseur vous agresse à la personne de ce petit chat. C'est bon, je me suis défendu. Numéro 5, bah, tout simplement, on va l'air cultivé, puisque je veux dire, tu prends cette pavasse-là, tu lis ça dans le métro, tout de suite, les gens disent « Oh là là, mais qu'est-ce qu'il est culturé, cette personne !» Vraiment, je suis en vie. Également, tu vas pouvoir gagner des concours de BIPIC. Donc, BIPIC, ça veut dire... ou ça a l'air porno comme ça, mais c'est des concours de bibliothèque de rôlisme. Bah, excuse-moi, mais avec une cinquantaine d'exemplaires de la boîte à outils, là, tu peux paver ta bibliothèque et tout de suite, t'es le boss du game. Et 7e, cacher tes économies. Regarde, parce que tu prends la bible du meneur de jeu... Tu prends tes économies, hop, j'en cache dans cette page, j'en cache dans cette autre page, hop, voilà, honnêtement, bah, un cambrioleur, à moins que ce soit vraiment un geek, il ne va pas aller fouiller dans ta boîte à outils du meneur de jeu, quoi. En plus, c'est génial, c'est quand tu relis le bouquin, des fois, tu vas avoir des bonnes surprises. Oh, 10 euros Ah, ben, ça valait le coup de me remettre dans cette lecture. Bon, numéro 8, bah, lester une montgolfière, évidemment. Regarde, tu prends une montgolfière, c'est pareil. Tu as une dizaine de boîtes à outils de meneur de jeu accrochées. Et puis, bah, si tu veux monter, t'en lâches une ou deux. Bah, voilà, hyper efficace. Bon, après, il vaut mieux qu'il n'y ait personne en dessous. Hein. Également, bah, avec ça, tu peux fabriquer un abri de jardin, presto vie. Et pour finir, voilà, contre l'espionnage en ligne, la cybersurveillance, grâce à la boîte à outils du meneur de jeu, tu peux boucher ta webcam. Et voilà, fini, Mark Zuckerberg, hein, c'est bon, tu peux plus me regarder. Hop. Bon, voilà, j'espère que je vous ai vraiment convaincu. Bon, bah, de toute façon, il n'y a pas de code de réduction pour acheter la boîte à outils du meneur de jeu, parce que J'espère que tu l'as compris, c'était une fausse sponsor. Je n'ai pas touché d'argent de la boîte à outils du meneur de jeu. Je tenais juste à en parler, voilà, parce que je suis fan, quoi. Vu quand même tous les avantages de cet ouvrage. Je salue Jérôme Larré, Coralie David, voilà, pour la qualité de leur travail. Mais bon, en l'occurrence, là, on va s'adresser à un public qui, justement, ne veut pas passer par ce type d'ouvrage, veut passer par la transmission orale pour voilà, s'enseigner le jeu de rôle de bouche de druide à oreille de druide. Comment on va faire ? Eh bien, ça peut tout simplement, voilà, par la discussion, des discussions à bâton rompu autour du jeu de rôle, bah, voilà, c'est comme ça qu'on va apprendre, se former. Évidemment, ça aussi, ça passe par le faire jouer, c'est-à-dire que eh bien, pour te former au jeu de rôle, ben, tu vas participer à des parties. L'autre jour, tu vois, je lisais la boîte d'initiation de Donjons & Dragons 5. Moi, si tu veux, j'avais jamais lu... J'ai beaucoup joué aux règles à 3.5, mais j'ai jamais lu le manuel de 3.5. Bon, ben, quand je lisais la boîte d'initiation, je me dis, ah oui, ben, en fait, ces règles, je les connais, les attaques d'opportunité, les petits trucs et tout... même si tu veux avantages des avantages, j'ai jamais lu Donjons & Dragons 5, mais je connaissais déjà parce qu'on en parlait, tu vois, sur les chats et tout. Et donc finalement, l'apprentissage des règles de D&D 5 a été vraiment simplifié par le fait que j'avais une expérience de jeu au moins en édition 3.5, qui est quand même assez proche hein, de la D&D 5. Hein. Y a quand même des grosses similitudes. Ensuite, eh bien, il y a un peu dans le genre cas pratique, expliquer ces techniques en débrief, c'est-à-dire on joue une partie, et en débrief, en fait, on va faire preuve d'un peu de transparence, que ce soit MJ qui va dire, bah, en fait, là, j'ai utilisé telle technique, ou éventuellement les joueuses hein, qui vont dire, bah, voilà, là, en fait, la technique de jeu que j'ai fait, c'était dans tel but, telle intention, voilà. Sinon, au rang des expériences hein, que je ne vois pas souvent, mais qui peuvent être intéressantes à tenter, c'est jouer à scénario ouvert. C'est-à-dire que MJ va te maîtriser un scénario, mais dans le but de t'apprendre à utiliser un scénario, ou voire même à en créer un. Et donc, en fait, MJ va te dire, bon, voilà, en fait, à ce moment-là, le scénario me dit de faire ça. Et là, dans le scénario, il y a ça. Peut-être même MJ va montrer les plans, tout ça. Donc, c'est vraiment une partie didactique. Hein. Ou voilà, tout en jouant le scénario, ou tout en jouant, si c'est plus de l'impro, bah, MJ va verbaliser ses techniques. Voilà, bah là, j'ai improvisé comme ça parce que je voulais tel effet et tout, ainsi de suite. Autre méthode que j'aime bien, que j'ai pratiquée à plusieurs reprises, il y a même des. Je te mettrai en description des actual plays où on m'entend le faire. Alors tiens, d'ailleurs, je précise, parce que moi, je l'ai fait, c'est pour former à un jeu en particulier, parce que quand on dit transmettre oralement le jeu de rôle, ça peut être une façon générique de jouer au jeu de rôle, quoi, ou ça peut être transmettre oralement un jeu de rôle, quoi, tu vois, juste les règles spécifiques d'un jeu de rôle, la manière spécifique de maîtriser un jeu de rôle. Donc, la personne expérimentée va être PJ, et la personne à former, entre guillemets, va être MJ. Mais en fait, au cours de la partie, la personne expérimentée va dire « Bon, bah, MJ, là, il faudrait que tu fasses ça. Là, tu devrais improviser dans ce sens-là. Là, tu pourrais utiliser telle technique, tu vois. » Ça, c'est assez intéressant, assez enrichissant comme façon de faire. On peut faire aussi des ateliers. Tu vas trouver ça en convention ou en salon, hein, ou éventuellement en asso, quoi. Des ateliers de techniques de MJ. Donc voilà, on est dans l'oral, hein, beaucoup... ou même des ateliers de génie, je sais, on proposait des ateliers de technique de PJ, quoi. Pour avoir une bonne transmission orale, bah, je pense aussi aller en convention, c'est vraiment très, très profitable. Tu vas découvrir, déjà, il va y avoir beaucoup de discussions entre les parties autour du jeu de rôle, et puis tu vas découvrir des façons de maîtriser différents, des jeux différents et tout. Donc là, tu vas aussi beaucoup te former. Et après, c'est de la transmission orale un peu indirecte, mais c'est quand même une transmission orale, c'est que tu peux aussi regarder des podcasts, des vidéos sur le jeu de rôle, suivre des actual plays, et il y a aussi quelques jeux de rôle, moi j'en ai commis plusieurs, il y en a d'autres aussi hein, qui en ont fait, quelques jeux de rôle en fait dont les règles sont en audio, donc bah, c'est une forme de transmission orale, quoi. Le jeu il n'est pas écrit, c'est des MP3 à écouter, quoi. Voilà. Pour conclure, rappelle-toi, si tu te mets dans la posture, entre guillemets, du formateur, de la formatrice, que tu n'es pas là que pour enseigner, mais aussi pour apprendre. C'est-à-dire que les personnes débutantes ou les personnes qui ont d'autres pratiques que la tienne, elles ont aussi des choses à s'apprendre. Et je pense que voilà, cette transmission orale, ça va toujours dans les deux sens. En toute façon, on fera une vidéo justement sur ce que les noobs ont à nous apprendre, hein. Donc, il ne faut pas trop se gargariser de ces X années d'expérience et tout. Et rester, je pense, toujours dans une posture de curiosité, d'apprentissage. Et les nouvelles venues dans le monde du jeu de rôle ont énormément à nous apporter aussi, quoi. Sur ce, je te fais des bisous. Et Sludge, tu dis le petit message de com qui va bien. Abonnez-vous, mettez la cloche, miaou miaou miaou, pour faire grandir la chaîne. Et surtout, lâchez des commentaires, un bisou, une insulte. Ça fait toujours plaisir. Allez, je vous envoie du love. Ah, j'arrive pas avec le bouton. Youp!